Tu sais que si ça continue comme ça, il n'y aura plus de gros singes sur la planète. Je suis dégoûtée, c'est mon animal préféré. C'est pas étonnant. Nos forêts disparaissent, alors des espèces disparaissent, c'est logique. Oui, mais tout ça, c'est notre faute. Si nous consommions moins, nous conserverions notre forêt. Et les singes ne seraient pas chassés de leur habitat. C'est sûr. Mais d'un autre côté, si les dinosaures n'avaient pas disparu, eh bien les mammifères se seraient moins développés et les espèces ne seraient pas si variées. Et peut-être même que les singes n'auraient pas existé. Mais qu'est-ce que tu racontes ? Si tu me crois pas, lis cet article. Figure-toi que, paradoxalement, une crise écologique peut avoir des conséquences positives. Il ne faut donc pas toujours voir tout en noir. Je suis d'accord pour les animaux, ok. Mais l'énergie ? Tu as vu le prix des carburants ? Tu te rends compte ? Si on avait économisé le pétrole, on n'en serait pas là. Ouais. Mais si le prix du pétrole n'avait pas autant augmenté, on n'aurait pas développé les énergies vertes et propres. Et ça aurait été vraiment dommage. Oh, tu m'agaces avec tes si. De toute façon, je n'aurai jamais le dernier mot avec toi.